Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mjina la Yesu Kristo. Saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tuwasalimia banduku na badada dokutandao. Sans tarder, levons-nous pour l'étude de la parole. Bila kawia tushimame njoo usome maneno. Nous lisons dans Romains au chapitre 8. Tunasoma mkitabu ya Roma 8. Romains au chapitre 8. Wa Roma 8. Dans son verset 28 à 29. Mustari yake ya 28 mpaka 29. Romains au chapitre 8. Wa Roma 8. Dans son verset 28. Musta yake ya makumi mbili na mnane paka makumi mbili na tisa. Père céleste, Baba aliye juu mbinguni, dans la profondeur de nos cœurs, katika upana ya mioyo yetu, nous te disons d'abord merci. Tunasema kwanza asante. Parce que nous ne savons pas comment retourner notre gratitude à ton égard. Sababu atuye nana ya kushukudisha shukurani. Tu fais de grandes choses dans la simplicité. Unafanya bitu bikubwa kabisa katika upole, katika unyenyekevu. Des choses que nous n'avons pas méritées. Bitu bile atukustahili hata. Seigneur, pardonne notre ignorance. Bwana urumie kutokujua kwetu. Nous ne comprenons pas parfois ce que nous faisons. Saa zingine atukarai tunaelewa vile tunafanya. Nous invitons ton esprit de miséricorde. Tunalika roho yako ya rehema. Qu'il puisse se reposer sur chacun de nous. Ipate kuikala yula kila moja wetu. Et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu s'approche de chaque cœur pour nous parler. Ipate kukaribia kando kando ya kila moyo njoo kutemezea. Ta parole est spirituelle. Neno lako ni ya kiroho. Mais nous sommes des hommes charnels. Lakini si tu batu binafsi. Des fois nous comprenons comme des hommes. Sa zingine tunaelewa sawa batu. Et beaucoup de choses nous échappent. Na bitu ya mingi vinatupita. Mais selon tes propres paroles, tu as dit. Lakini kufuatana na neno lako ulisema. Il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Itupewa juu ya kuelewa masili ya ufalme. Seigneur, Bwana, si tu envoies l'esprit de la révélation. Kama ulituma roho ya amsho. De la révélation. Ya ufunuo. C'est pour éclairer nos âmes. Ni juu ya kuangazia manafsi yetu. Fais-le pour la gloire de ton nom. Uifanye ndio tukufa jina lako. Et conduis nos pas jusqu'au véritable salut. Na ongozi matua yetu kufika pana kukuva ya kweli. Bénis les frères. Bariki banduku. Bénis les sœurs. Bariki badada. Bénis ceux qui sont en ligne. Bariki wale kufuata mtandao. Nous avons confiance. Tunatumainia. Toutes les requêtes qui ont été amenées ici. Ya kwamba mahitaji yote iletewa hapa. Trouveront solution. Itapata jibu. Bénis la parole. Bariki neno. Bénis chacun de nous. Bariki la moja wetu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristu. Amen. Amen. Romains 8. Wa Roma. Unane. 28. Amen. Mustari yake ya makumi mbili na mnane mpaka makumi mbili na tisa. Nous savons du reste. Kwa ile nabaki tunajua. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya kwamba bitu vyote vinatumika juu ya bala mpenda Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ndio abale baritwa kufuatana na makusudi yake. Kwani ceux qui l'a connu d'avance, bale alitangulia kujua, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils. Alibat, à l'image de son fils. Alibatarisha njua pati kufuatana na picha ya mwana wake. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Kusudi mwanawake awe mzaliko wa kwanza katikati ya banduku ba mingi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Mungu aongeze baraka kusomea neno lake. Nous parlons aujourd'hui de la prédestination. Leo tunasemezea yule kutangulia kutayarishwa. En lisant cette écriture que nous venons de lire, Mukusoma iandiko tunasoma hapa. J'aime attirer l'attention de chacun de vous. Nikunapenda kuvuta angalisho ya kila moja wenu. Pour vous dire que la prédestination, njia kumeambia kwamba kutangulia kutayarishwa, est lié aux circonstances. Kuku nambatana na mamambo. Est lié au temps d'accomplissement. Unambatana mwakati ya kutimilika kwayo. De tout ce que Dieu avait arrêté dans son conseil de sa volonté. Ya bile biote Mungu achukua sawa mipango mushauri yake ya mapenzi yake. Hier, nous vous avons montré que la souveraineté de Dieu est liée aux décisions. Jana tumembea kusema souveraineté ya Mungu inambatana mipango. À la publication des arrêts. Mukutangaza mipango ya mwisho. Que le Seigneur a prise après la délibération. Ile Bwana alibeba kisha kuchunguza mipango yote. Mais la prédestination, elle, lakini kutangulia kutawarisha kwako, elle est liée au temps et aux circonstances. Kunambatana kwa wakati na manyakati. Le temps et les circonstances d'accomplissement de tout ce que Dieu avait arrêté dans son conseil de sa volonté. Wakati na manyakati njua kutimilika kwa ile yote Mungu alibebaka sawa mipango mshauri ya mapenzi yake. La prédestination est liée aux voies empruntées. Kutangulia kutayarishwa kunambatana na njia ile uchukua. Pour arriver à la destination. Njuu ya kufika kule kushaba. De ceux qui ont été prédestinés. Yabale baritanguria kutayarishwa. Et c'est très important que vous notiez cela. Na niyamafa kabisa mupate kuyandika. Quand la Bible utilise la souveraineté. Mwakati Biblia unatumikia souveraineté wana mamlaka ya juu kabisa ya Mungu. Comprenez que cela est lié aux arrêts. Mwileo ya kwamba ili nambatana na mipango. Mais la prédestination. Lakini kutangulia kutayarishwa. Est lié aux circonstances. Kunambatana na mambo mwakati. Les circonstances qui doivent concourir à l'accomplissement. Mambo inawazi kutumika njua kutimilika. De ce qui a été arrêté. Kwa ile mipango balikuwa shachukua. Dans le conseil de sa volonté. Mule mushauri ya mapenzi yake. De voies qui doivent être empruntées. Njia ile mpashi kube kupitia amo. Jusqu'à la destination. Njia kufika mwisho ya mambo. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Il y a des éléments kuku mabitu qui entrent en compte. Bile bikunengia mukazi. Il y a des conditions kuku makanuni qui devaient être respectées. Ile banapasha inapasha kuheshimiwa pour que ce qui a été arrêté s'accomplisse. Kusudi ile lichukuliwa kama mipango ipate kutimilika. il y a des moyens, des circonstances, mamambo, qui doivent concourir pamoya, à l'accomplissement de toute décision arrêtée par Dieu ile Mungu dans le conseil de sa volonté. Mule ya mapenzi yake. Tout dépend des temps et des circonstances. Yote unangaria ni wakati na manyakati. Que Dieu devait créer Mungu kuumba, pour que l'élu juu kusudi mteule, arrive à la destination. Apate kufika fazi yake ya mwisho. Ce temps, il est wakati, ces circonstances, il est manyakati, tous ces éléments, il est mamambo yote, mabitu yote, c'est Dieu qui devait les créer Mungu juu anapasha kubiumba. Pour que ce qu'il avait arrêté, il est alchukua kama mpango, pour le salut des voilà, élus, arrive à la destination et qu'il n'y ait pas de faille. C'est pourquoi si vous lisez dans votre dictionnaire, ces hommes qui n'ont pas de révélation disaient, prédestiné, kutanguria kutayarishwa, se fixer d'avance, ni kutanguria kuchukua mipango, le salut ou la perte de sa créature, okovu wala upotevu wa maumbile yako. Mais nous savons, lakini tunajua kwamba, que si Dieu a fixé le salut, kama Mungu aliweka wokovu, de ceux qui devaient être sauvés, ya bale balipasa kuokolewa, et qu'il a déterminé, na ana, les voies de ceux qui devaient être perdus, weka na manjia bale watapotea, c'est tout en tenant compte, ni mukuangaria, de sa préscience, na kufatana na kutangulia kufahamu kwake, de l'homme, na uru ya kuchakula ya mutu. Et de tout ce travail na, il est makazi yote, que le conseil avait abattu il est shauri yake, il tumika, en complicité avec la sagesse pamoja na hekima, et son intelligence na akili yake, pour harmoniser toutes choses ya kuweka bitu biote musawa. La détermination préalable, mipango ya kweneana. Préalable signifie préalable manake, tout ce qui doit être dit, donc c'est ma, il est tout ce qui doit être semewa, il est yote, il n'a pas ça kusema, tout ce qui doit être examiné, il n'a pas ça kuangalishishwa, avant toute chose, mbele ya mambo yote. L'église est avec moi, kanisa tu pamoja. C'était le travail du conseil, ilikuwa ni kazi ya mshauri. Quelles sont les paroles ni misemo kani que Dieu mettrait dans ses serviteurs, ile Mungu atawekaka mbatumishi yake. Quelles sont les paroles na ni masauti kani qui devaient être mises dans ses serviteurs, ile ipashi kuweka mbatumishi yake, pour que l'élu les entende, muteule apate kuishikia, qu'il croie, amini, et qu'ils sont sauvés. Na apate kukulewa. Quelles sont les paroles na ni maneno kani que Dieu devait mettre dans ses élus, dans ses serviteurs, ndani ya matumishi yake, pour qu'ils soient enseignés, apate kufundishiwa, pour qu'ils soient kusudi prêchés, apate kuhubiri, pour que les élus kusudi bateule arrivent à la sanctification, fika kutakaso, les élus arrivent au baptême du Saint-Esprit, baptizo wa Roho Mtakatifu, les élus arrivent à la perfection en Christ, ukamilifu ndani ya Kristo. Qu'est-ce qui devait être na, fait ni nini ipashi kufanyika, pa le prédicateur, pitia baubiri, pa le ministre, pitia baubiri, parce que Dieu les a choisis, sababu Mungu alibachakula, c'est pour édifier, nju ya kujenga, et perfectionner, na kukamilisha l'église, kanisa, la foi, imani, la foi du salut, imani ya ukovu, vient de ce qu'on entend. Quelles sont ces paroles na, ni misemo kani, que Dieu devait mettre Mungu, dans la bouche de ses serviteurs, lorsqu'ils seront prononcés, que les élus na, bateule, le reçoivent, kuipokea, pour que la foi naisse en eux, pour expérimenter les véritables choses. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Monsieur Kakanisa, tout pas moi. C'est très important. C'est qui Niamafa Kabisa, il tournait ma pa Niamafa Kabisa. Les ministères ne sont pas des jouets. Ma Uduma Aina Bichejesha. Le ministère Mauduma est une partie de Dieu lui-même ya Mungu ya mwenyewe qu'il met dans les humains iko naweka ndani ya batu dans les perdus iko naweka mbale mwenye kupotea ceux qui doivent aussi expérimenter le salut ou qui ont déjà expérimenté le salut pour aider ceux qui ont besoin du salut kusaidia bale beuna itaji okovu. Les hommes croient facilement les autres hommes. Batu banamina kropesi batu bengine benja. Parce qu'ils les voient. Sababu biguni baona. Mais il est un peu difficile. Mais lakini iko ako kigumu kidoko. Kuamini au Dieu qu'on ne voit pas. Kwa Mungu ule aone. Dieu n'a pas utilisé le soleil. Asitumie jua. Il n'a pas utilisé. Asitumie les étoiles. Manyota. Il n'a pas utilisé le vent. Akutumie ata pepo. Il n'a pas utilisé. Mungu akutumie ata banyama. Il a utilisé les lakini aritumia batu. Parce que le salut concerne les hommes. Ukovu iko nangaria ni batu. Alors quels sont les termes? Ni misemo kani? Comment Dieu namna kani Mungu, comment Dieu namna kani Mungu, doit devait wendre alipasha kupakwa tous ses serviteurs batumishi yake bote. Comment Dieu devait mettre namna kani Mungu apashi kuweka des paroles de grâce, misemo ya neema, des paroles de miséricorde, misemo ya rehema, des paroles de vérité, misemo ya des paroles de salut, misemo ya okovu, qui donneront la possibilité italeta basi aux élus d'expérimenter bateule bapate kuonja okovu. C'est pourquoi l'écriture dit kwa maana andiko lisema prenez garde mkebe ange à la manière dont vous écoutez ku namna ile munashikia. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce que le salut vient par l'audition. Mais avant d'écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est dit, ce qui est écrit, qu'il est beau est agréable les pieds de ceux qui annoncent la paix. Mikulu yabale bena tangaza salama. Ils annoncent la paix. Bena tangaza salama. Ce n'est pas leur paix. Aina salama ya. Non, ils annoncent la paix. Bena tangaza salama. C'est celui qui les a envoyés. Ule mwenyari batuma. C'est vrai. Kweli. C'est ça la prédestination. Njo kutanguliwa kutayarishwa. Nous pouvons utiliser beaucoup de versets et dire beaucoup de choses, mais c'est ces paroles de 5 minutes. Donc Dieu devait déterminer Mungu apashikuweka mipango préalablement kumbele les événements madamano ayant un caractère de fatalité yenye kuya na mfano qui sont destinés à s'accomplir inévitablement. Il est kutangulia kutayarishwa kutimilikwa pasipo kukosa. Hakuna namna. Ça veut dire il y a pas moyen. Il faut se kutimilika. Que ça puisse rater de s'accomplir. Il faut pas qu'elle timilique. Il n'a pas dit certainement qu'elle puisse accomplir. Si le Mungu alibipanga. Tel que Dieu les a fixés. C'est incontournable. Hakuna namna kwenda pembeni. Et celui qui devait ranger les éléments, les circonstances, les conditions, les moyens, les temps, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi on a toujours dit des fois, nous les élus, à ta safari yetu, même notre marche, iko yenye kongozwa na Mungu. Ah, on est conduit par Dieu. Dieu parle de nous en bien. C'est pourquoi nous avons toujours dit, kuikala kwako kwa mukambove, rester à Kambove, aina par hasard, te retrouver à Kambove, aina kwa kubatisha, c'est conduit par Dieu, iku yenye kongozwa na Mungu. Kuikala kuya kwanza kuabudu ndani ya kanisa, venir adorer dans cette église. Si vous êtes un élu, kama kumteule, c'est déjà prédestiné. Mungu arishaka kutayarisha ile. C'est Dieu qui a harmonisé, qui a fait des conditions. Jo aritengeneza na naeka makanuni kwe vile. C'est vrai, frère. Ndia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ndia kweli dada yangu. Dieu est terrible. Mungu ni wa kushangaisha. Savez-vous, même des guerres, même des troubles politiques, c'est toujours pour quelque chose. Ni paka ndu ya shaba mwa fulani. J'ai toujours dit ceci. Mine karaka mkusema hivi kila mara. Il y a des gens qui voient mal ce qu'il y a eu dans les années 90 entre Katanga et Kasaya. Kubatwa nikala mkuona mnamna mbaya ile pitikanaka mane 90 katikati ya Bakatanga na Makasaya. Ce qui était arrivé là, il est efficace pour les élus. Dieu a bateoule, c'était la volonté il de Dieu. Kuaka, ni mapenzi ya Mungu. Vous savez que mnajua kwamba avant ces événements là, mbele ya ile mandamano ile au Kasai, ku Kasai, il n'y avait pas de parole. Akukuake neno la kweli. Il n'y avait que des fausses doctrines. Kukuaka paka mafundisho ya bongo. Savez-vous cela? Et mnajua hivi. Les deux régions, il est ma Jimbo Mbili, c'était les débattions des tonnerres. Fazi ya mamunguruma. Mais il y avait des élus. Mais lakini kule kulikuwa bateule. Comme tous les prédicateurs. Kamile baubiri bote. Se cramponnaient au Katanga. Barikuwa beko na vinyana ku Katanga. Pour les ans ces matériels. Juu ya kupata kobitu ya mumwili. Dieu les avait secoués. Ariba tenkeshaka. Kuko bale barifui ya mou. Ya ceux qui sont décédés pour ça. Et il n'avait pas de problème. Ceux qui n'étaient pas des prédicateurs. Alakwe na mambo barifui ya mou. Et il n'avait pas de problème. L'église est avec moi. Kanisa tupamoya. Frère, on a vu des frères. Tuliona banduku. Un frère comme le frère Matamba Muyeye. Nduku. Le petit pont là que quand vous traversez, que vous traversez pour aller chez Edid. Kule ku Edid. C'est lui qui avait. Ça porte son nom. Ninjina yake ni njwa riengeshaka. Il était le directeur de Kambove. Kambove CCC. Arkuya, Kambove CCC. Directa. Mais quand les événements sont venus, Mwakati le mamambo irifikaka, ce frère-là a abandonné sa grande maison sur la 6e avenue. Unduku alacha nyumba yake munene 6e avenue. Je l'ai trouvé. Nilimkuta dormant dans un bus. Eko nalala mugari mubus. Il y a des frères qui connaissent ce frère. Kubanduku bale katikati yetu banamjua. Frère, Nduku. Il y a eu des frères pourquoi comme Bandu, Chibanda, les fées Chibanda. Ça va, Nduku, Bandu, Chibanda, Mariam Chibanda. Dieu est terrible. Mungu ni wa mastajabu. Et aujourd'hui, na Léo, au Kasai on respire, il y a quand même, il y a maintenant nos églises. Kasai, tu n'as pas musique, ako, makanisa yetu na kuya ko sasa. Frère, Même la guerre qui se vit à l'est. Ata vitai ikukwete. Pour Dieu. Kwa Mungu, Dieu a Mungu. Il y a une explication. Muku paka facilio fulani. Frère, Muku na jeza na mambo ya Mungu. Blague avec la parole de Dieu, avec les choses de Dieu. Ikusudi Muku kwa msalama. Je vous donne un petit exemple. Nipatie tu mfano kidogo. Regardez au temps de Covid. Garia mwakati ya corona, Covid. Beaucoup de gens s'absentaient à l'église. Ma église, à ma foyer. Ils ont persévéré dans des églises, dans des maisons. Ils ont vu Sababu, Bariona, la mort. Lufu, ils ont vu Bariona, le retour du Seigneur imminent. Karibia. Je ne parle pas de ça. Je parle de la prédication. Donc je voulais dire ceci. Je disais ceci. La prédestination kutanguria kutayarishwa vise les circonstances kunaona manyakati qui doivent entourer wala mamamu la page kuzunguka l'accomplissement sans faille kutimilika bila kosa de toutes les décisions que Dieu avait arrêtées dans son conseil. Kwa mipango yote ile Mungu alibebaka mshauri yake. Et ces circonstances, na ile mamambo, le temps, ile makati, les moyens, manamna, les éléments, mabitu byote, c'est Dieu ni Mungu qui devait les créer. Jo aripasha kubiumba, pour ce qui concerne le salut des élus, inangaria okovu ya bateule, pour que les élus kusudi bateule, marchent bapate kutembea, jusqu'à la destination. Fika paka na kumwisho. C'est vrai, frère. D'accord, Ndoukou. Après que Dieu ait pris sa décision finale souveraine, kisha Mungu ekubeba mupango yake ya mwisho. Quand Dieu a vu, Mungu mwakati aliona, que tout ce qu'il avait fait, c'est oui et amen. Ya kwamba byote bila alifanyaka bila gumbaka ikuwa ni ndio na amina. Les circonstances, mamambo, devaient être créées. Ilipasha kuumbwa. Le temps, mwakati, devait être créé. Ilipasha kuumbwa. Même les acteurs, ata benye bale, bantu bale ambao, les gens, anapasha kutumia, doit utiliser, ju ile ambao alishimamisha, c'est qu'il a arrêté, ah, ipate kufika, que ça puisse arriver. Même les prédicateurs, ata baobiri. Dieu devait créer les conditions pour eux. Alipasha kubaumbia makanuni juu yabo. Maintenant, ko kitu kimwa kibaya sana. Mina, il y a une très mauvaise chose. Ba minifu ba mingi abaelewake. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dieu qui dit qu'on a foi que bantu ba mingi abifike mu expérimenter Mungu. C'est cette chose qui fait à ce que la plupart n'arrivent pas à expérimenter Dieu. C'est quand vous ne comprenez pas ni mwakati ile amuelewe que mapendo ya Mungu ya kwamba l'amour de Dieu na neema ya Mungu et la grâce de Dieu ilikutosha kule ulikuyaka ta quitté de là où tu étais il a kongoza jusqu'à et t'a conduit jusqu'ici waza kusikia hivi uko nasikia écouter ce que tu es en train d'écouter là pour votre salut Dieu a okovu yenu. Au lieu maintenant, pari, yakuya attentive, d'être musikilivu, yakuya attentive, d'être musikilivu, yakupoke kile Mungu mwenyewe, recevoir ce que Dieu lui-même, aliongozia mikulu yako hapa, juu usikie, pour écouter, wewe unakuya mkambo, toi tu viens à kambo, uko na lala, uko na lofa kukanisa, t'absente d'abord à l'église, wewe unakuya mkanisa, tu viens à l'église, uko na lala mkanisa, tu somnons dans l'église. Toi étant dans l'église, tu es en train de chatter sur ton téléphone. Étant dans l'église, tu penses au poisson salé que tu avais laissé à la maison. Ou soit l'haricot que tu avais laissé au feu. C'est très grave. Il est niatari. C'est ce qui fait. Na Dieu qu'on a fanya. Que si tu rates le salut. Comme on a poussé voilà la condamné. Okovu, uta okumiwa. Et tu n'auras pas de justification. Na auta kuya na hesabu. Il y a même des frères ici. Na peko banduku hapa. Des frères et des sœurs. Banduku na badada. Ba bwana bo bari ba mité. Leur mari on les a mité. Ah ils ont été transférés. Bari ba tosha hapa. Ba kuya mui mugini. Pour venir ici. Pour un objectif. Dieu a qui mais bon, il y a stress, c'est pour mais un objectif. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'il y a une joie qui Fukujo Fulani. Oui, mon, à la Kinshasa, Dieu t'a fait quitter les Kinshasa. Il a traversé 2000 km. Dieu t'a planté en bouche au village de Kambo. Et ici, en bouche, à Welewe, Kenye, ou Kuya, Apa. Dieu t'a fait quitter à Kamounia, là, à Kamounia, à 2000 km. À 2000 km. tu es venu ici et on a patikana à part. Cela veut dire où tu passais, il n'y avait pas de cité, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de d'eau, il n'y avait pas de poules ou de chèvres que tu devrais manger. Et dans tous ces villages que tu as traversé, il n'y avait pas de gens qui avaient l'argent. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa Tupamoe. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa Tupamoe. Pourquoi tu as traversé? Joanine, tu as traversé des rivières. On a tambouka, mamitoni. Pendant que les autres disaient, moi, les autres traversaient, j'irai peut-être mourir. Mais toi, tu as eu du courage. Mais où est-ce que tu as eu odari? C'est vrai, frère. Bia kwerinduku. Dans la prédestination, mukutanguria kutayarishwa, quand Dieu crée mwakati Mungu onaumba les circonstances, mambo manyakati, pour que son élu kusudi muteule yake parvienne au salut véritable, apate kufikia kokovu ya kweli, il n'y a rien sur sa voie kwa kito takimwa munjia yake qui peut entraver sa marche, wezi kushindisha vers la destination, mwe safari yake kufika kumwisho. L'église est avec moi, kanisa tupamoya, dans ces circonstances, ile mambo manyakati, mwile manjia, dans les temps, wala mwakati, dans les éléments, wala mumambo mabitu, bile Mungu kona umba, dans la prédestination, mutanguria kutayarishwa, c'est pour éviter à l'élu ya kumwepusha mteule de rater son objectif, apate kukosa shaba yake. C'est Dieu qui l'aide, na ni Mungu Dieu kona msaidia, c'est pas le secours de Dieu, na Dieu enye musada ya Mungu, c'est Dieu qui l'assiste, ni Mungu Dieu kona msaidia, il crée des voies et des moyens, pour vous aider à atteindre l'objectif, pourquoi? Parce qu'il a vu en toi le désir d'être son frère. Tu l'as aimé. Il a vu en toi ce désir. C'est vrai, frère. Tu pouvais être sauvé. Tu pouvais être sauvé. Uruwezi ata kukolewa. Akabongo. Kukabongo. Mais tu ne pouvais pas arriver à la perfection. Lakini akuweza kufika kukamilifu. Les sauvés sont partout. Bakokolewa bekufashi yote. Mais ceux qui auront l'enlèvement sont, lakini, sont moins nombreux. Bale batenda munyanyuliwa ni bakidoko. Bakidoko kabisa bateule kidoko. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hakuna kitu kinafikaka njuu ya shipo maana yake. Kanisa tu pamoja. Il n'y a rien. Hakuna kitu qui arrive pour rien. Kinawezi kufika pashipo maana. Ne vous attachez pas. Mshambatane. Aux choses inutiles. Bitu bya shipo maana, bitu ya bule bule. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Quand vous sentez que Dieu vous rejette. Mwakati unasema fashi moya inakukatala. Il faut être attentif. Nafai kuwa msikilivu. Je reprends. Quand vous sentez que Dieu vous rejette. Unafika fashi moya unasikia kusema. Faites très attention. Ifashi mishikale po muzuri keba ange. Je parle spirituellement. C'est nous n'assemblons pas Dieu. Bien quoi, bah Mungu, ben achève les grands tagatou passés. Le langage de Dieu. Na beko na shikia musemeo ya Mungu. Quand vous sentez. Wakati unajishikia. Une maison vous rejette. Ya kwamba nyumba moja ya kupokele mzuri keba ange. Quand vous sentez. Wakati unashikia. Que votre famille biologique. Ya kwamba jamaa yako mzalikwa inakukatala. Unapaswa kuwa msikilivu kabisa. N'est-il pas l'action de Dieu? Eti aina tendo ya Mungu. Il crée des conditions. Jo ikunaumba maali. Qui crée des conditions. Inaumba maali. Pour atteindre ton objectif. Juu ya wewe upate kufika kifukuzio yako mzuri. C'est vrai, frère. Mu ndia kweli nduku. Dieu prend ses élus. Mungu anachukua bateule yake. Il crée des voies. Anaumba manjia. Il crée des moyens. Anaumba manamna. Il crée les temps. Anaumba mawakati. Il crée la circonstance. Anaumba ata manyakati. Même la nature des gens. Ata asili ya batu. Ils vont vous entourer. Bale batakuzunguluka nduku. Dieu crée même une certaine compagnie. Anekalaka mukumba ata barafiki ba moa hivi. Pour atteindre un objectif. Juu ya kukupeleka kukifukuzio. Les conditions. Maali. Pour pouvoir. Kusudi. Aboutir. Upate kufika. Au résultat. Du matokeo final, ya mwisho matokeo voulu, ile arichaka résultat, matokeo ile ulianza kutaka ndani ya moyo wako na ile matokeo ile toi. Mungu alitangulia kuona ndani yako na Mungu anakusaidia juu upate kufika mwile kifukuzio yako mbya kweli nduku mbya kweli dada yangu hata barafiki haba. Des fois, on ne comprend pas. Ça, moi, à tout cas, qui me couéléwa. Nous ne comprenons pas. Ça, moi, à tout éléwa. Pourquoi Dieu t'attache à celle-là? Dieu a nini mungu anakuambatanisha na ule. Pas à cet autre. Apana kwa ule mwingine. Pourquoi ton cœur? Dieu a nini ro yako. Se réjouit quand tu es avec celui-là. Ne kalaka mufura mwakati na fulani. Mais pas avec celui-ci. Mais ou mwingine aufurayaki. Pourquoi? Dieu a nini. Ça dépend de la manière. Il n'a batana na namna. Dieu a arrangé les choses. Il est mungu aripanga bitu. Il a prédestiné les choses. Okay. Aritangulia kutayarisha bitu. Aripanga. Pour arriver à votre destination juu finale. Upate kufika kumwisho yako. Kama wewe. Si toi. Mu maisha yako. Dans ta vie. Uko paka na barafiki. Tu as toujours des amis. Va vous décourager. Qui beko na kulekesha. Uko muatari. Tu es en danger. La mauvaise compagnie. Barafiki babaya. Même la mauvaise compagnie est prédestinée. Barafiki babaya na bobo batangulia kutayarishwa. Tu aimes la mauvaise compagnie. Unapenda burafiki bubaya. Ah, wewe mwenyewe ona. Toi-même. Tu dois connaître là où tu finiras. Mais si ton cœur. Lakini kama moyo wako. S'attache au véritable. Inambatane na bakristo bya kweli. Au vrai chrétien. Bakristo bya kweli. Vous sentez à l'aise. Unajisikia uko. Dans cette compagnie là. Muie bale barafiki. Vous voyez? Naona. Dieu Mungu a une œuvre accomplie. Eko na kazi mwa kutimiza. Que ça soit Mungu. Pour ceux qui sont perdus. Ikuwe bale bana posa ça potea, pour ceux ikuwe kubale, qui sont élus. Beko qui sont sauvés. Wala benye kokolewa. Dans les deux groupes. Mbili, Dieu crée des circonstances. Mukumba ma, pour wakati, que tout homme namna, atteigne ote, la destination kufikia, il avait désiré. Mwile mwisho dans son cœur ndani ya moyo wake fondation du monde mbele ya misingi ya dunia avait vu en vous désiré kuona ndani yenu Mungu alionaka unatamani mro yako tu désires dans ton cœur pour kusaidia Dieu t'a donné tes mains et créer pour que quelqu'un qui compte dans yako afin que ce qui est en toi puisse s'accomplir ou arriver à la destination. Comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, abatukwe na mapendo pour être sauvés, Dieu a kokolewa, Mungu alibatumia, roho ya upotevu, sa vile balipenda bongo, bapate kuamini kubongo, na bapate kupotea, c'est eux qui ont voulu cela. Ni bo jo balipenda vile. Parce que la vérité l'a réalité, est présentée. Sababu ukweli balibatangazia ayo. Duku, tu es dans cette église, on te prêche la vérité, tu ne veux pas, maintenant qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? On appelle Dieu. On appelle Mungu afone nini? Qu'est-ce que tu, Dieu peut faire? Dieu lui-même Mungu ne peut pas agir contre la volonté de quelqu'un. Kutenda kama mtu akipende. Alors, une appelle. Mais n'est-ce que toi tu veux? Mungu atakumbia na wewe manamna. Uende ukamini bia bongo. Pour que tu ailles croire au mensonge. Sababu Dieu ile unapenda. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Dieu Mungu devait créer des circonstances. Arepasha kumba manamna. Et des voies. Na manjia. Pour que l'élu. Kusudi muteule. Atteigne la perfection. Apate kufika kukamilifu. Ndani ya Kristu. Dieu devait créer des conditions. Mungu apache kumba manamna. Kusudi muteule. Atteigne. Apate kufika. La perfection en Christ. Kukamilifu ndani ya Kristu. Va tout bon. Tout homme. Tous les chrétiens atteindra la perfection en Christ. Et ils ne peuvent pas atteindre au Kamili. Pourquoi? Nous avons déjà expliqué. Tout il y a ceux qui, par certaines circonstances, ne se sont plus retrouvés à un endroit où ils pouvaient être nourris correctement pour leur croissance. Les autres ont été séduits par des mauvais éducateurs. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona da mpendwa. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Utukufu ipate kurudia kwa Bwana wetu. Ce soir. Eti mangaribi. Nous nous trouvons. Tunapatikana. À un très bon endroit. Pafashi mzuri kabisa. Dieu nous a tellement aimé. Mungu atupenda sana. Il nous a donné na anetupatia des bons bergers. Bachungaji bazuri. Il nous a donné atupatia des bons frères. Banduku bazuri. Il nous a donné atupatia des belles des bonnes sœurs. Badada bazuri. Il nous a donné atupatia des bons diacres. Bachemashi bazuri. Déjà qui se soucie de notre avancement spirituel. Kuendelea kwetu mkiro. Il y a des gens, batu, des croyants, baminifu. Nduku. Dont leur berger ne se soucie pas. Bale bachungaji ababangaiki yake hata hata manafsi yabo. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada yangu. Ce qui les préoccupe. Bile ile bangaisha. Ce qui préoccupe les bergers. Ile nangaisha mchungaji wabo. C'est seulement l'argent. Ni feza tu. Un point très. Mambo inaishia pale. Que les hommes. Manafsi yabo. Que les croyants vivent une vie de la brèche. Bakwe na maisha mwa kutubuka kutubuka ya mapacho. Ile aina mambo yabo. Ils s'en foutent. Attends, comment on est avec même si les autres aillent. Les autres vont venir. Nous avons une grande église. Voyez. Non. Mais Dieu est sage. Mais lakini Mungu ni wa hekima. Comme la Bible dit. La Bible yasema. Il fait. Anafanya. Toutes bonnes choses. Vitu vyote vizuri. À son temps. Mwakati yake. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Et l'Écriture dit. Na andiko yanasema. Tout. Biote, concours bien atumika, au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a bizuri, ya bale, je vais vous lire certaines écritures. Vous verrez que même la souffrance est dans la voie. Même la souffrance mateso est une prédestination ni kutangulia kutayarishwa aux élus. Dieu a bateule. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ya kweli dada yangu. Et Dieu devait le faire. Na Mungu alipasha kuifanya. De telle manière. Munana. Après avoir déterminé. Kisha kuweka mipango. Les circonstances. Mambo, temps, ma wakati. Les conditions. Ma kanuni. Mis sur la voie de la perfection. Ni kuweka munjia ukamilifu. Kinye aucun. Mushikuye atamoya. Aucun homme. Atamutu moya. Qu'il soit croyant. Ule akwe mwaminifu. Qu'il soit incrédule. Akwe mto kuamini. Selon son désir. Kwatana nia yake. Voyez, selon non, son objectif. Kwatana na kifukusio yake. Selon ce que la pression de Dieu avait déjà vu. Kwatana na ile kutangulia kwa Mungu. Chacun aille. Kila moja. À sa destination. Apate finale. Kwenda kushaba yake ya mwisho. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. C'est pourquoi il est dit. Je crois mana asema hapa. Dans l'écriture que nous venons de lire, mu andiko ile tulisoma kwanza, il est dit ceci. Nasema hivi. Car kwani mutarekia makumi mbili na tisa. Kwani ce qu'il a connu d'avance. Bale aritanguria kujua mbele. Il les a aussi prédestinés. Nabo à être semblable à l'image de son fils. Aitanguria kubatayarisha kusudi wapate kuwa. Aitanguria kubatayarishia. Il les a prédestinés. Aitanguria kubatengenezea. Il les a prédestinés. Voyez, il a premièrement arrangé pour eux. Mandia le voit. Juba kafike paka mukipimo afin d'arriver ya kufanana à être semblable na picha à l'image ya mutoto yake son fils. Kusudi, afin que mutoto yake, que son fils akuye wa kwanza, soit le premier né, akuye wa kwanza mukuzalikwa, le premier né katikati ya banduku ba mingi, de plusieurs frères. Même Jésus, ata Yesu, Elohim l'avait prédestiné. Il avait arrangé même les gens. Frère, Nuku, pour qu'il aille jusqu'à Golgotha. A pas de quenda, jusqu'à pas même Golgotha, les soldats ata Baskari, qui avaient la lance ou le arco pour faire ses côtes, Dieu a coutouanga, le conseil de la volonté yake, de Dieu, Shaouri a mapé, a mapé de amour, il lui croit qu'il n'y a pas de bébé. Il fallait que ces soldats-là, ou les askari, au lieu de prendre les marteaux, qu'ils prennent la balance, qu'ils prennent pour ses côtes, pour que toi et moi, nous soyons manifestés. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Tout Biote était prédestiné. C'est un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Ni mwana kondo alikuwa mwenye kutayarishwa mbele ya misingi ya dunia. Il est prédestiné avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Pour apporter le salut aux élus. Prédestiné avant la fondation du monde. Tayarishwa mbele ya misingi ya dunia yuko. C'est vrai. Ya kweli. Comme Dieu. Sabile Mungu. A aimé son fils. Alipenda mwana wake. Son premier né. Muzaliko wake wa kwanza. Il est Jésus. Yesu. Il est le premier né. Ni muzaliko wa kwanza. Parmi plusieurs mêmes. Kati premier né. Ya bazaliko ba kwanza ba mingi. Nous l'épouse. Siye bibi harusi. Nous sommes aussi. Tuko na siye. Le premier né. Bazaliko ba kwanza. Mais Jésus lui Yesu, est le premier ni muzaliko parmi wa kwanza, les autres premiers ya bazaliko wa kwanza. Eh, kisha ndo kuna kwa banduku yetu ba vierge folle na bafete. Eh, c'est après qu'il y a ba qui a pumba. Ba vierge folle. Benye kuitwa. Ni ba petit frère ni ba loko yetu na aba benye kuitwa ni ba loko yetu. Nous formons l'église des premiers-nés. Si tu go kanisa ya bazaliko ba kwanza. Est-ce que vous connaissez? Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez? Et vous comprenez? Nous formons l'église des premiers-nés. Tunatunga kanisa ya bazaliko ba kwanza. Frère, Duku. Laissez les gens nous juger selon la chair. Mwache batu banze kutona kufatana na mwili wala kutukumu. Batu unasema comme ils ne l'ont pas connu lui. Savile abakumtambue yeye. Aussi ils ne nous reconnaissent pas. Jo vile na shi abatujue abatutambue. Il avait connu. Kama bali mujuaka yeye. Ils l'ont aussi reconnu. Na shi bali pasa kutujua. Mais le temps viendra. Mais lakini wakati itakuya. C'est dans le programme de Dieu. Ni mapu ya Mungu. Ils reconnaîtront. Batatambua sa que nous sommes la famille des premiers nés. Quand les soldats qui étaient tout autour de Golgotha et qui étaient à la tombe, quand ils ont vu Jésus ressuscité, les autres ont vu Jésus rentrer l'âme, ils ont dit, ils se sont criés, ils ont dit, certainement, Akika, cet homme Umutu, est un fils de Dieu. Moi dans le monde. C'est qui est en train de parler, ce sont les gardes qui avaient l'ordre de l'arrêter. C'est vrai. Et tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Êtes-vous appelés de Dieu? Êtes-vous appelés de Dieu? Êtes-vous appelés de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alors, ça, vous comprendrez lorsque nous discuterons ce point-là. Pourquoi, jusqu'à ce soir, Christ est sur le trône comme médiateur. Jusqu'à ce soir, les 100 frères, qu'il veut au bois du calvaire, est encore sur le trône. Jusqu'à ce soir, le trône de Dieu, c'est un trône de miséricorde. Jusqu'à ce soir, demandez. Et vous recevrez. Na utapokea. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Il a cessé pour ça. Eko pale njua ile. Jusqu'à ce soir. Magharibi. Répandez-vous. Vous serez pardonné. Na batakurumia. Amen. C'est un trône de miséricorde. Ni kicha enzi ya rehema kufika na hapa sasa. Jusque maintenant il est là. Kufika na hapa sasa eko pale. Il est là. Le sang est là. Damu kwako. Il est avocat. Il est médiateur. Il est sacrificateur. Eko mkoani. Il plaide pour nous. Eko netuombea. Pourquoi? Dieu a nini? Chaque fois que vous péchez. Kila mara watenda zambi. Vous bronchez, unakwala, vous vous repentez, Dieu libère le sang, Mungu anatosha damu, il vient effacer ton péché, na kwa anajimisha damu yako, ton dossier reste blanc. Na mambo yako yanabaki meupe, anakusabia haki. Même quand l'ennemi, na hata adui, si Jamaria fait ça, Jamaria alifanya hivi, quand Dieu regarde, wakati Mungu anaangalia paka kati yako, anasema hapana kitu. Pourquoi? Dieu a nini? Le sang de l'agneau, damu ya mwana kondoo, a effacé, inaisha kujimisha. Pourquoi le sang de l'agneau, damu inaisha kuputa, Jamaria, Dieu a nini Jamaria? A reconnu sa faute. Jamari, il a regretté. Anajuta, unaona, il a pleuré. Anaria, et Dieu a dit, Mungu anasema, il ne voulait pas le faire. Et kufanya, mufute zambi yake. Donne-lui le vêtement blanc. Mpache manguo ya mweupe. Sa page. Sa page. Page kastafi yake. Ya bujima. Sois blanc comme le lait. Ipate kubakia mweupe kama teruji. Na wakati Mungu anaangalia, anaona nipaka mapendo. Et quand Satan vient, na wakati Satan akuya, il le cherche. Anamtafuta cha kuchonga. Dieu ferme les oreilles. Mungu anafunga na mashikio. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien. Ils sont déjà justifiés. Les dossiers déjà déchirés. Les dossiers déjà déchirés. Vous voyez bien mes frères. Mais c'est qu'il a justifié. Il les a aussi glorifiés. C'est vrai, frère. Vous devez recevoir l'esprit de la gloire. L'esprit qui reposait sur le Fils premier. Oui, bien aimé frère. Bien aimé soeur. Que dirons-nous donc? Tout à ces manini basi. À l'égard de ces choses. Tout ce que nous écoutons. Naibi Mungu alikuwa. Et ce que Dieu a fait. Tout à ces matins manini. Que dirons-nous donc? Dieu est pour nous. Kama Mungu ni wetu. Qui sera contre nous? Nani atatukombanisha? Frère. Duku. Sœur. Dada. Qui sera? Nani. Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qui l'a livré. Pour tous. Comment ne nous donnera-t-il pas? Namna kana aussi tout nous avec Christ. Na siye bitu biote ndani ya Christ. Duku. Ma soeur. Dada yangu. Tout ce que Christ était. Arikuya, il a déversé dans son église. Aribiweka mkanisa yake. Oui bien aimé frère. Dio, nduku. Mpendwa. Qui acquisera les élus de Nani Dieu? Nani atastaki bateule ya Mungu? C'est Dieu qui les justifie. Ni Mungu jo lebesabia haki. Moi je suis justifié. Mie niku mwenye kuhesabiwa haki. Et vous justifié. Et Mungu mwenye kuhesabiwa haki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est vrai frère. Ni vya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni vya kweli dada yangu. Ce sont les voies. Ni manjia. Que Dieu a créé. Ele Mungu aliumba. Pour que vous arriviez. Kusudi mupate kufika. À l'accomplissement. Mukutimilika. C'est ce que Dieu avait kwa ile Mungu alionaka ndani yenu. C'est que tu aimes. Ile unapenda. C'est ce que tu seras. Joti utakuya. C'est que tu veux. Ile unapenda. C'est ce que tu seras. Joti utakuya. Pas ce que Dieu sababu, veut. Mungu aina kile Mungu Dieu voudra Mungu atapenda, ce que toi tu aimes. Unapenda. C'est vrai, frère. Quoi, Dieu ne veut pas avant que tu n'aimes. Il faut d'abord désirer. Il faut d'abord aimer. Dieu est obligé d'aimer ce que tu aimes. Il faut le vouloir. Quand toi tu veux, Dieu aussi est obligé de vouloir ce que tu veux. Tu as voulu le salut. Dieu aussi aime te sauver. C'est vrai, frère. Que Dieu vous bénisse. Amibariki jai mangaribi. Nous allons continuer. Tutaendelea. C'est bon, hein? Ibizuri. C'est bon ça. Muzuri. C'est très bon ça. Numuzuri kabisa. Levons-nous. Tushimame. C'était la portion du jour. Ilikuwa ni sehemu ya siku. Il faut prier. Fazai kuomba. Quand vous priez. Wakati mnaomba. Quand vous priez, wakati mnaomba, Dieu voit vos dispositions. Mungu anaona hali ya moyo wako. Vous allez bien manger. Ah, pale utakula mzuri. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma chère. Parce que l'onction sera là. Sababu, upako c'est l'onction qui enseigne. Upako ce n'est pas le pasteur. Nous sommes des vases. Ce n'est pas le micro. Derrière le micro, il y a quelqu'un. Derrière le pasteur. C'est la voix du pasteur. Il y a quelqu'un qui vous a connu avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. C'est vrai, frère. Il est quelqu'un qu'il faut aimer. Ni mutu ule tunapata kupenda. Tombe. Seigneur, merci. Tu es Dieu. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de termes pour exprimer notre gratitude.